CME, pages 14 et 15. Le CME, qu'est-ce que c'est? Chaque année, les élèves des classes de CM1 et de CM2 des écoles de la ville sont invités à une réunion d'information pour expliquer le rôle et les missions du Conseil municipal d'enfants, CME. Pendant cette réunion, Marielle Plancheneau-Michel, adjointe au maire, présente la ville et échange avec les enfants sur son rôle d'élu et sur celui du maire. À l'issue de cette présentation, les élèves retournent dans leurs écoles avec l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de ces élections. À Château-Gontier-Bazouges, le CME est renouvelé tous les ans. Voici les différentes étapes de ce processus démocratique identique à celui des adultes. Étape 1. L'appel à candidature. Lorsque les enfants retournent dans leur école, certains d'entre eux vont déclarer leur candidature. Ils préparent leur campagne électorale en proposant leurs idées qu'ils affichent dans leur classe au regard de leurs camarades afin de débattre ensemble sur les différents projets. Seuls les élèves de CM2 peuvent se présenter. Les enfants de classe de CM1 sont seulement invités à participer au vote lorsque la classe est à double niveau. Étape 2. Le vote. Après avoir pris connaissance des différents projets des candidats, les élèves reçoivent le jour de l'élection un bulletin comportant les différents noms des candidats. Munis de leur carte d'électeur, ils passent chacun leur tour par l'isoloir et se présentent ensuite devant l'urne pour procéder au vote. Étape 3. Le dépouillement. Comme pour les grandes personnes, des tables de dépouillement sont installées dans la salle de vote et des scrutateurs comptent les bulletins. Ceux qui ont la majorité des votes exprimés remportent l'élection. C'est souvent un moment intense chez les jeunes candidats et les votants, avec de la joie et des larmes. Étape 4. Les élus et leur mission. Après l'élection, les élus sont invités à une première réunion afin d'organiser les commissions de travail. Ils se réunissent une fois par mois à la mairie annexe. Créé en 1989, le Conseil municipal d'enfants répond à la volonté de la municipalité de permettre l'expression pleine et active de la démocratie locale et de la citoyenneté, souligne Marielle Plancheneau-Michel. Le CME a pour vocation de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté qui passe par la familiarisation avec les processus démocratiques, le vote, le débat, les élections, mais aussi par la gestion autonome de projets par les enfants eux-mêmes. Il s'agit aussi de donner la parole aux enfants en leur proposant de s'exprimer et de s'engager pour l'avenir de leur commune. Une photo nous montre Madame Plancheneau-Michel en pleine explication devant une assemblée d'enfants assis regardant un grand écran vidéo. Comment est-il constitué? Ce conseil municipal des enfants est une assemblée qui assemble des enfants âgés de 10 à 11 ans. Il est composé de 14 jeunes conseillers élus. Comment travaillent-ils? Comme leurs aînés, les jeunes élus travaillent en commission. Ils se réunissent une fois par mois, le mardi, à la mairie annexe, sous la responsabilité d'adultes, élus et agents de la collectivité. Le plus important pour Marielle Plancheneau-Michel, adjointe au maire, est que le CME doit rester un lieu de discussion, de réflexion, de proposition et d'action pour les jeunes castro-gontériennes et castro-gontériens. Il faut rappeler également que les jeunes élus accompagnent le maire lors des journées de commémoration, lors des vœux du maire et sur d'autres manifestations en lien avec leur commission. Voici quelques commissions réalisées lors des mandats précédents. Collecte de jouets et de denrées alimentaires organisation d'une course en faveur d'une association, création d'affiches pour sensibiliser les enfants sur l'environnement. Les nouveaux élus du mandat 2015-2016. Voici la nouvelle équipe. Ange Rocher, Anna Grimbert, Oriane Vandenbosch, Cyprien Manceau, Naïma Cador, Julien Jacquelin, Léna Bouin, Benjamin Montaroux, Lily Allium, Louis Hiver, Soane Garnache, Quentin Rossignol, Charlotte Poulain, Axel Aubert, Fanny Monet, Enzo Rayet, Emeline Ricard, Louane Hubert, Augustin Meunier. La photo jointe nous montre une vingtaine d'enfants très attentifs assis autour d'une table en U.